Flambeau se cache et voit entrer Metternich. Le chancelier raille alors, plus que copieusement, le petit chapeau de Napoléon Ier, jusqu'à ce que Flambeau intervienne, lui reproche cette intrusion nocturne dans les appartements du duc en le menaçant de sa baïonnette de grenadier. Metternich n'en croit pas ses yeux. Mais, comme le duc a été réveillé par son altercation avec Flambeau, il sort de sa chambre et il apparaît dans le salon des Lacs. Flambeau, après lui avoir donné rendez-vous pour le bal du soir, s'enfuit par une fenêtre, tandis que Metternich appelle au secours des laquais, qu'il renvoie finalement pour rester seul face au duc. Que m'importe d'ailleurs vos grognards dévoués? Vous n'êtes pas Napoléon. Qui le décrète? Vous avez le petit chapeau, mais pas la tête. Ah, vous avez encore trouvé le mot qu'il faut pour dégonfler l'enthousiasme. Mais ce mot ne sera pas cette fois-ci le coup d'épingle qui crève, ce sera le coup de fouet qui cingle. Je me cabre et m'emporte aux orgueils les plus fous. Pas la tête, m'avez-vous dit? Qu'en savez-vous? Ce que j'en sais. Il prend sur la table le candélabre allumé, va vers un miroir et haussant la lumière. Regardez-vous dans cette glace. Regardez la langueur morne de votre face. Regardez ce fardeau si lourd d'être si blond, ces accablants cheveux. Mais regardez-vous donc. Non. Mais tout un brouillard fatal vous accompagne. Non. Mais à votre insu, c'est toute une Allemagne et c'est toute une Espagne en votre âme dormant qui vous font si hautain, si triste et si charmant. Non, non. Rappelez-vous vos doutes de vous-même. Vous, régnez. Allons donc. Vous seriez, doux et blême, un de ces rois qui vont s'interrogeant tout bas et qu'il faut enfermer pour qu'ils n'abdiquent pas. Le duc saisissant pour essayer de l'écarter, le candélabre que Metternich lève devant la glace. « Non, non! Vous n'avez pas la tête d'énergie, mais le front de langueur, le front de nostalgie. Le front? Et votre Altesse, avec égarement, sur ce front d'archiduc, passe une main d'enfant. Ma main? Regardez-les, ces doigts tombants et vagues qu'on a dans des portraits déjà vus sous des bagues. Non! Regardez vos yeux, par lesquels vos aïeux vous regardent. Mes yeux? Regardez-les, ces yeux, dans lesquels d'autres yeux, déjà vus dans des cadres, rêvent à des bûchers ou pleurent des escadres. Et vous, si scrupuleux, si consciencieux, osez aller régner en France avec ces yeux? Mais mon père, vous n'avez rien de votre père. » Ramenant de force vers la glace le candélabre, que la main crispée du duc ne lâche plus. « Mais cherchez, cherchez donc, approchez la lumière !» Il a voulu, jaloux de notre sang ancien, venir nous le voler pour en vieillir le sien. Mais ce qu'il a volé, c'est la mélancolie, c'est la faiblesse, c'est... Non, je vous en supplie. Regardez-vous pâlir dans le miroir. Assez ! Sur votre lèvre, là, vous la reconnaissez, cette moue orgueilleuse et rouge de poupée. C'est celle qu'eut, en France, une tête coupée. Car ce qu'il a volé, c'est aussi le malheur. Mais aussi drôle le candélabre. Non, j'ai peur. Peux-tu te regarder la nuit dans cette glace, sans voir derrière toi, monter toute ta race? Vois, c'est Jeanne la folle, au fond, cette vapeur. Et ce qui, sous la vitre, arrive avec lenteur, c'est la pâleur du roi, dans son cercueil de verre. Non! Et la glace glauque et pleine de Habsbourg, qui se ressemblent tous. Je casserai la glace. D'autres encore arrivent. Le duc, brandissant le lourd candélabre que Metternich vient enfin de lui abandonner, et en frappant d'un geste insensé le miroir. Je le casse, il n'en reste pas un. Il en reste un, toujours. Non, non, ce n'est pas moi, pas moi. Père, au secours!